Vous avez déjà choisi. Vous êtes allé chez votre cousine de Beauséant et vous y avez flairé le luxe. Vous êtes allé chez Madame de Restaud, la fille du père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là, vous êtes revenu avec un mot sur votre front et que j'ai bien su lire. Parvenir. Parvenir à tout prix. Bravo, ai-je dit. Voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent. Où en prendre? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos 1 500 francs arrachés, Dieu sait comme, dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de 100 sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous? Vous travaillerez? Le travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne, dans les vieux jours, un appartement chez maman Wauquiez à des gars de la force de Poiré. Une rapide fortune est le problème que se propose de résoudre en ce moment 50 000 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres, comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas 50 000 bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. L'on plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu'il prend sans partager, mais on plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont 6 000 francs d'appointement pour tout potage et qui dépensent plus de 10 000 francs à leur toilette. Vous verrez des employés à 1 200 francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a 50 000 livres de rente.